Hey, à vous de juger. Yes, merci. Yeah, Walid Guanzo. Ouais, ouais. Simplement, yes. On le dit avec les mots. On le dit simplement avec les mots, ce qui nous passe par la tête, you know. Et n'oubliez pas ce vendredi. On le dit pas avec les bâtons, on le dit pas avec les armes. On le dit simplement avec les mots. C'est nos mots, ils nous traversent la tête, nos cœurs, Sin. Ok. Wow. Alors, Sin. Well. Et un dernier petit message. Yes, I. Parce qu'à la naissance du monde, il y avait les mots. Il y avait les gestes. D'abord, il y avait les gestes, les regards. Encore là, man. Les regards, les gestes.